Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Antigone. C'est la case du week-end qui commence dès maintenant. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'émission, 2 heures en direct, bien sûr, comme chaque week-end, avec dans quelques minutes. Excusez-moi. J'étais en train de manger quelque chose et comme d'habitude, je gère très mal mon temps. Avec dans quelques instants, dans 5 minutes environ, votre horoscope pour tout savoir sur ce que vous ont prévu les astres pour votre journée de ce samedi. Nous parlerons économie, bien sûr, dans quelques minutes avec Dominique Bayard et Nathalie Amard aux alentours de 10h23. Il y aura des chroniques économiques, bien sûr, une fois par heure, donc deux chroniques. Aujourd'hui, nous allons parler de Samsung qui devrait sortir une nouvelle montre connectée qui devrait surveiller le diabète. Dans les actus des médias, nous parlerons de l'arrêt d'une série française et nous reviendrons également sur la situation du journal France ce soir. Il y aura bien sûr une archive pub dans une heure qui nous permettra de redécouvrir une vieille publicité. Le Musicator 2000 sera également là pour découvrir une musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Nous parlerons une nouvelle fois économie, bien sûr. Et cette fois, nous retrouverons Claire Fagès. Vous voyez un très beau programme encore dans cette émission. Comme d'habitude, nous allons également parler dans les actus du numérique de 11h37 de la SNCF qui va enfin lancer une application unique pour tous ses services, puisque vous le savez peut-être, actuellement, il y a plusieurs applications de la SNCF pour différents services, hein, pour la commande de billets, l'autre bien pour toutes les informations pratiques, bref, tout est disséminé un petit peu partout sur les applications, ça va être regroupé très prochainement. Il est un petit peu mélangé ce programme, j'ai l'impression que c'était pas très clair, mais en tout cas j'espère que vous avez compris que le programme est très chargé comme d'habitude dans la case du week-end, très chargé également en musique. Dans quelques instants, je vous propose d'écouter des Michael Patrick Kelly avec Beautiful Madness. Now it feels like beautiful madness, feels like never enough, but you know that you are the baddest, my love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness, I just can't get enough, don't you know that you make me vibre également sur Radio Antigone Phoenix, If I Ever Feel Better. Il y aura un premier classique juste avant 11h avec Eurythmics. Donc le premier classique de la case du week-end, vous le savez, on écoute des chansons qui sont des grands classiques de la chanson que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Et c'est sur Radio Antigone dans la case du week-end, une fois par heure. Bienvenue sur Radio Antigone, il est 10h14, l'horoscope arrive dans quelques instants. Mais pour l'instant, voici Arctic Monkeys avec I Wanna Be Yours. Let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. as deep as the Pacific Ocean. I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dirt. Wanna be your fog cleaner. Bienvenue sur Radio Antigone, 10h17, nous venons d'écouter Arctic Monkeys avec I Wanna Be Yours. Voici votre horoscope. Je suis là, pardon, petit problème technique. J'espère que le son est toujours bon. L'horoscope, et nous commençons bien sûr par les béliers. Les béliers, méfiez-vous des risques financiers excessifs. Si vous souhaitez effectuer une opération boursière, prenez conseil d'un spécialiste, car vous n'aurez pas toute la faveur des astres. Les taureaux, si votre couple bat sérieusement de l'aile, cette journée pourrait être marquée par une décision de rupture. Si votre couple est par contre solide, vous passerez alors par une phase de remise en question très positive et salutaire. Les Gémeaux, vous mettrez à profit vos talents de cordon bleu et l'idée de passer des heures dans votre cuisine pour mitonner de délicieux plats à vos proches ne vous rebutera pas, bien au contraire. Les Cancers, dans le travail, vous ne rencontrerez aucun obstacle, vous serez même projeté sur le devant de la scène professionnelle. Les Lions, votre santé ne devrait pas poser problème. De problèmes particuliers aujourd'hui. Les Vierges, tâchez de mettre vos finances à jour avant la fin de la journée, autrement les astres vous infligeront une surprise très désagréable. Les Balances, vos relations avec votre conjoint perdront un peu de leur intensité habituelle, cependant vous parviendrez tout de même à alimenter le feu de la passion dans le cœur de l'autre. Les Scorpions, vous serez en bonne forme physique et psychique, tous ceux d'entre vous qui ont connu dernièrement des ennuis de santé vont voir le bout du tunnel. Les Sagittaires, eh bien, les affaires ressembleront à un véritable champ de bataille niveau travail. Vous devrez dès le départ disposer avec le plus grand soin, tous vos pions sur l'échiquier si vous souhaitez remporter tous les succès escomptés dans le domaine professionnel. Les Capricornes, pensez à soigner vos jambes en évitant tout ce qui peut ralentir la circulation. Tenez-vous à l'écart de toute source de chaleur, notamment le chauffage par le sol, les bains trop chauds et l'exposition prolongée au soleil, même si en ce moment, niveau soleil, il n'y aura pas trop de problèmes. Voici l'horoscope pour les Verseaux maintenant. Votre vie privée sera un peu plus contrariante car votre entourage familial se montrera envahissant et peu enclin à l'écoute de vos besoins véritables. Et on termine avec les Poissons. Vous allez voir se réveiller comme un volcan votre désir pour votre conjoint qui répondra à votre attente en se montrant lui aussi très passionné. Vos nuits seront torrides. Voilà donc pour votre horoscope. Bonne journée à tous. Le titre actuel. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone, 10h20, dans un instant on parle économie, juste après Michael Patrick Kelly, voici Beautiful Madness. And there's a line on the horizon, you're like a lion in the lamb. Is it a tragedy or triumph, you're so good at sin. Why did you swallow down my poison, I'm your number one fan. Make it on a desert island, yeah, you're so good at sin. My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful. Now we don't care about the cash flow. We got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness à l'instant sur Radio Antigone. Aujourd'hui, l'économie. 10h23 et comme chaque week-end à la même heure, nous parlons donc économie. C'est aujourd'hui avec Nathalie Hamard et Dominique Bayard. Et cette question, faut-il renforcer les sanctions européennes contre la Russie après l'arrestation de l'opposant Alexeï Navalny et de ses partisans? Plusieurs États européens plaident pour ce renforcement. Bonjour Dominique Bayard. Bonjour Nathalie. Les sanctions accrues contre Moscou seraient-elles un coup dur pour l'économie russe? Eh bien, le discours officiel à Moscou consiste à minimiser, voire à négliger l'impact économique de ces représailles. Voilà maintenant 6 ans que la Russie est soumise à des sanctions économiques suite à la crise ukrainienne, des sanctions américaines et européennes régulièrement reconduites depuis. Ces représailles portent sur l'interdiction du commerce des armes et de certaines technologies sensibles. Elles ciblent des personnalités, environ 180, et une cinquantaine d'entités liées au Kremlin. Enfin, elles restreignent l'accès au marché de capitaux. Alors, si les premières mesures prises en 2014, conjuguées à la baisse des cours du pétrole, ont provoqué une grave crise économique en 2015, depuis, la Russie a pris soin de renforcer son autonomie pour éviter de subir de nouveaux chocs. Moscou, par exemple, a réduit le recours au dollar. Oui, pour la première fois, les réserves en or de la Banque centrale russe dépassent ses réserves en dollars. C'est vrai, depuis l'été 2020, une situation tout à fait inhabituelle. La Banque centrale russe est devenue ces 5 dernières années le premier acheteur d'or, une valeur refuge qui permet de mieux traverser les crises. L'État russe évite aussi d'emprunter à l'extérieur. Enfin, il a pris l'habitude de faire des provisions. Quand le cours du baril dépasse les 42 dollars, le surplus abonde les caisses publiques, une assurance qui sert aussi à faire face à la chute des cours du pétrole, car c'est encore le principal pourvoyeur de recettes fiscales. Enfin, la Russie s'est dotée des outils financiers pour contourner certains marchés européens, comme les chambres de compensation. Et la mise en place de ces mesures de protection, Dominique, démontre en creux à quel point des sanctions pourraient entraver son activité économique. Oui, toutes les études concordent. Les sanctions ont déjà eu un coût pour l'économie russe. Le FMI estime qu'elles l'ont privé de 0,2 points de croissance par an entre 2014 et 2018. Leur impact à court terme est moins nocif que celui provoqué par la chute des marchés pétroliers, mais cela reste un sérieux handicap pour développer l'économie. La fragilité du rouble en témoigne. À chaque nouvelle salve de sanctions, ou chaque fois que les milieux d'affaires russes estiment que ce risque grimpe, la monnaie russe plonge. Après l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, le rouble a ainsi perdu 20% de sa valeur face aux grandes devises. Et puis l'économie russe doit aussi absorber, comme d'autres en ce moment, les conséquences de la pandémie. Oui, le coronavirus a fait des ravages en Russie. En 2020, le nombre de morts a triplé par rapport à l'année précédente. Un bond attribué attribuée au Covid-19 par les experts indépendants, mais pas tout à fait reconnue par le Kremlin. La santé n'est pas la priorité du gouvernement russe, elle passe après l'économie. Pour éviter qu'elle ne s'effondre, le gouvernement russe a renoncé à un deuxième confinement l'automne dernier. L'État a dépensé en 2020 4% du PIB pour venir en aide aux entreprises et aux familles, bien moins qu'en Europe, mais comparable à ce qui se fait dans les pays à revenus intermédiaires. Ce filet de sécurité se contracte déjà, il ne représente plus que 1% du PIB cette année. L'économie russe devrait retrouver son niveau d'avant la crise dès cet automne, d'après les prévisions de la deuxième banque du pays, la VTB, à moins que de nouvelles sanctions ne compromettent cette reprise. Une nouvelle salve provoquerait la fuite des capitaux, de quoi entraver durablement l'essor économique de la Russie. L'économie, en bref, c'est aussi, Dominique, la Commission européenne qui envisage de renforcer les contrôles sur les exportations de vaccins à l'extérieur de l'Union. Comme elle l'a fait au printemps pour les masques, elle pourrait limiter ses exportations pour protéger son approvisionnement. Les discussions avec AstraZeneca n'ont rien donné. Le laboratoire a fait savoir qu'il pourrait réduire ses livraisons à l'Europe de moitié. Il produit aujourd'hui au Royaume-Uni et sur le continent, c'est bien sûr cette production qui serait concernée par ces restrictions à l'export. Merci Dominique Bayard. Et merci à vous Nathalie Amar d'avoir orchestré toute cette chronique économique. 10h27, quasiment 10h28 même. Dans 2 minutes environ, nous allons faire un nouveau point sur toute l'actualité de ce samedi 30 janvier 2021. Il y aura également un point sur la météo et les actus numériques arrivent juste après. Pour l'instant, voici Modoïd avec La Lune, extrait de l'album du même nom de 2014. Radio Antigone et nous venons d'écouter Modoïd avec La Lune. Radio Antigone. La case du week-end continue avec une deuxième demi-heure. Il est 10h30. Radio Antigone. La radio à vif. Et l'heure du journal avec la rédaction. Bonjour. Bonjour à tous, 24 départements sont toujours en vigilance orange ce matin, la Gironde et les Landes pour vagues et submersions, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais pour pluie et inondations, et toute la façade est du pays de la Meurthe-et-Moselle à l'Isère pour crues, inondations et avalanches s'agissant des reliefs. Pas de confinement mais le maintien du couvre-feu à 18h, la fermeture des frontières au pays extérieur a lieu et un renforcement des contrôles ont été annoncés hier soir par Jean Castex à l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Pour le Premier ministre, nous devons nous donner une chance d'éviter un troisième confinement. Des annonces jugées trop faibles par les oppositions. La France ne risque pas de reprendre le contrôle sur l'épidémie, a déploré le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Tout ça pour ça, de son côté, déploré Damien Abad, le leader des députés LR. De son côté, le Rassemblement national se félicite avec ironie de la fermeture des frontières aux pays hors UE, tout en déplorant le temps perdu. Le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, juge lui aussi ces mesures comme encore du temps perdu. De son côté, le secrétaire national Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, estime que le gouvernement choisit l'économie au lieu de la santé. A contrario, le chef de file des députés Modem, Patrick Mignola, a salué des mesures sérieuses et équilibrées. Dans l'actualité également, l'enquête sur le double meurtre perpétré dans la Drôme et en Ardèche, qui a fait le lien avec un autre meurtre et une agression survenue mardi contre une DRH dans le Haut-Rhin. La garde à vue du suspect interpellé jeudi matin a donc été prolongée. 8 mineurs et un majeur présentés à une juge d'instruction aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire suite à l'agression de Yuri. C'était le 15 janvier dernier à Paris. Nouvelle journée de manifestation contre la loi sécurité globale. Ce sera le cas à Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, mais aussi Dijon, La Rochelle, Quimper, Abbeville, Tarbes ou Le Havre. Et puis l'Olympique lyonnais retrouve provisoirement la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 2-1 sur Bordeaux hier soir à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Deux rencontres à suivre ce soir, Montpellier-Lens à 17h, suivi de OM Stade Rennais à 21h. Merci beaucoup à la rédaction pour ce point sur l'actualité. Prochain point, ce sera tout à l'heure à 11h. Voici la météo. La météo de ce samedi 30 janvier est de nouvelles pluies balaient la France d'ouest en est avec de la neige en montagne au-dessus de 1400 mètres. L'extrême sud-est est épargné avec un soleil voilé. Les températures, les minimales, 5 degrés à Charleville-Mézières et à Strasbourg, 7 degrés à 3, 8 degrés à Limoges et à Paris, 10 degrés à Rennes, 11 degrés à Bordeaux et à Nice. Dans l'après-midi, la dépression baptisée Justine arrivera l'après-midi midi dans le golfe de Gascogne. Le vent va se renforcer sur l'ouest et pourra atteindre le seuil de la tempête sur l'Aquitaine. Les pluies sont généralisées et les maxis sont comprises entre 2 et 15 degrés. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'être à l'écoute de Radio Antigone. 10h33, merci d'être avec nous. La case du week-end se poursuit la deuxième demi-heure avec les actus du numérique dans quelques instants. Et nous parlons d'une montre connectée qui sera capable de surveiller le diabète. Et ce serait possible dès cette année, c'est Samsung et Apple qui nous auraient conçu ça. On en parle dans les actus du numérique dans quelques instants. Dans les actus des médias, eh bien nous parlerons de l'arrêt d'une série française ainsi que de la situation du journal France ce soir. Et il y aura également les éphémérides dans un peu moins de 15 minutes, aux alentours de 10h45. Voilà pour ce programme pour la prochaine demi-heure. Niveau musique, nous allons écouter dans quelques minutes Gims. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Tout dernier Gims arrive dans la prochaine demi-heure et il y aura aussi Eurythmics. The Miracle of Love qui arrive sur Radio Antigone dans quelques minutes. Merci beaucoup d'être à l'écoute de la Radio Avis. Juste avant les actus numériques, voici Phoenix. If I ever feel better, tout de suite. Learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, holidays and over. Dreading out that thing that I bet it cost. I watched all my castles fall, they were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. God gives the night, cold lifts the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. It feels like I'm above you, still out. I'm losing my battles on the side road. Phoenix, If I Ever Feel Better dans la case du week-end. 10h38, voici les actus du numérique. Radio Antigone, les actus du numérique. Depuis quelques années, les montres connectées se sont imposées dans la vie de tous les jours. De plus en plus de montres sont en vente et rencontrent un succès auprès des consommateurs et des acheteurs. Et depuis quelques années aussi, les constructeurs mettent encore plus en avant les fonctions liées à la santé. Et c'est une nouvelle fonction liée à la santé dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit d'une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de mesurer la glycémie, donc une montre qui aurait une fonctionnalité dédiée aux personnes atteintes de diabète. Alors la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang, et pour une personne diabétique, on rappelle que le corps a des difficultés à bien réguler ce taux et donc à effectuer il faut effectuer un suivi quotidien qui nécessite de se faire piquer le doigt pour prélever un peu de sang. Et c'est justement cette piqûre que les prochaines montres de Samsung et Apple souhaiteraient éviter aux utilisateurs atteints de diabète. C'est en tout cas ce que nous affirme un article du média sud-coréen Het News. Ce média s'attarde en fait sur les prochains produits de Samsung. De Samsung notamment, qui indique que cette fonction devrait être introduite dans le courant du second semestre de 2021 avec la sortie de la Galaxy Watch 4. La Galaxy Watch Active 3 pourrait elle aussi être concernée, mais les noms de produits n'ont pas encore été confirmés par la marque pour l'instant, mais tout porte à croire que les montres s'appelleront comme ça, ça c'est un détail en tout cas du côté des noms. Pour mesurer la glycémie, les montres connectées s'appuieraient sur un capteur optique qui est similaire à celui qui est utilisé pour la mesure de la saturation d'oxygène dans le sang. Mais on peut bien sûr se demander à quel point les données seraient fiables. Eh bien, ce capteur nécessitera bien sûr une certification médicale attribuée par les autorités compétentes. On ne sait pas si ces autorisations pourront être attribuées en même temps. Donc, pour l'instant, on n'est pas sûr que ces options et cette fonctionnalité sera disponible en Europe dès la sortie de l'appareil. En tout cas, on espère que cette fonctionnalité sera possible parce que c'est pas une si mauvaise idée. Et donc, pas d'information du côté de la fiabilité, mais bien sûr, tout cela sera donc contrôlé. C'est pour ça que ces fonctionnalités ne seront pas forcément disponibles ou en tout cas activées sur les montres directement en Europe ou en France, le temps que les instances compétentes fassent les tests pour bien vérifier l'efficacité de ce dispositif. Voilà pour ces actus du numérique. numérique. Dans une heure, de quoi parlons-nous? Eh bien, je ne sais plus. Si, on va parler de la SNCF, bien sûr, qui ne sera pas en retard. Je vais essayer au moins de faire les actus numériques à l'heure. Et je vais vous parler de la SNCF qui va enfin lancer une application unique pour tous ses services. Fini les différentes applications pour les différentes fonctionnalités. Commande de billets sur une application, gestion des services sur une autre. Tout sera synchronisé, tout sera regroupé sur une application et c'est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs réguliers des services SNCF. Ça arrive dans les actus du numérique dans une heure. Le titre actuel. À suivre l'éphéméride ainsi que les actus des médias. Bonne matinée à l'écoute de Radio Antigone. Voici Gims, jusqu'ici tout va bien. Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds? Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire de toi, de moi. Malgré les hauts, les bas, je sais m'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe. J'ai lutté pour en être digne. Et je crois que tout va bien jusqu'ici. Je fais l'effort et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort. Et si c'était un coup du sort, malgré les doutes, je prends sur moi. Tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève, je ne tremble pas. Je vis, je vois, ne t'en fais pas. Et je crois que va bien. Gims avec Jusqu'ici tout va bien sur Radio Antigone. L'éphéméride. Nous sommes le samedi 30 janvier 2021. Bonne fête aux Martines. Bon anniversaire à Gérard, oh là là, dis donc Kenzo, ça ne va pas ça. Bon anniversaire à Gérard Hernandez, la voix française du Grand Schtroumpf ainsi que l'acteur de scène de ménage. Il a aujourd'hui 88 ans et bon anniversaire également à Wilmer Valderrama, l'acteur de NCIS jouant l'agent Nick Torres. Ok, un petit événement s'étant déroulé un 30 janvier en 1810. Nous sommes sous le Premier Empire et le confiseur français Nicolas Appert invente un procédé de conservation des aliments en les chauffant dans des seaux hermétiques en verre de façon à éliminer l'oxygène et les micro-organismes. Il vient en quelque sorte d'inventer une première ébauche des conserves alimentaires. L'administration impériale lui accorde une récompense de 12 000 francs en échange de quoi l'inventeur renonce à breveter son invention. Les Anglais ne respecte pas vraiment cet engagement et décide la même année de déposer le brevet à Londres. Nicolas Appert poursuit ses recherches en 1817 et il met au point les premières boîtes de conserve dignes de ce nom en fer blanc. Et cette fois, il veille bien à déposer le brevet. Voilà. Tout simplement, pour cette petite histoire, les conserves alimentaires qui ont donc été... inventé le 30 janvier 1810. C'est en tout cas le jour auquel l'administration impériale a accordé cette récompense de 12 000 francs à Nicolas Appert. Éphéméride, eh bien, qu'est-ce que je puis dire d'autre? Eh bien, nous pouvons également noter qu'un 30 janvier 1735, une assemblée corse rejette la domination de Gênes qui remonte à la bataille de la Meloria. Elle ébauche ainsi un projet de constitution, une première dans l'histoire moderne. La République de Gênes tente de reconquérir l'île. C'est le début d'une guerre de 40 ans, mais sans s'en douter, les insurgés travaillent pour la France qui ambitionne de prendre pied sur l'île et d'en chasser les Génois. Voilà. Pour ce petit événement, s'étant déroulé donc en Corse avec une déclaration d'indépendance des Corses. Et je termine rapidement avec une journée mondiale que bien sûr je n'ai pas sous la main, puisque comme d'habitude j'ai oublié de la rechercher. Eh bien, entre ce 30 janvier, il n'y a pas de journée mondiale. Nous pouvons quand même noter, allez, puisqu'il y avait quand même une journée mondiale hier. C'était hier la journée mondiale des lépreux, une maladie qui a progressivement disparu en France au cours du 18e siècle, mais quelques foyers persistent. Voilà pour cet éphéméride, 10h48 sur Radio Antigone. Le classique de la case du week-end. Je crois que je me suis un peu coupé la parole avec le jingle, mais ce n'est pas grave. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone. Dans quelques instants, nous parlons médias avec l'arrêt d'une série française, Alice Nevers, qui va tirer sa révérence très prochainement. Le journal France Soir dans le collimateur du gouvernement. C'est après Eurythmics, et voici The Miracle of Love. How many sorrows do you try to hide in a world of illusion? Covering your mind, I'll show you something good. Oh, I'll show you something good. When you open your mind, you'll discover the sign that there's something you're longing to find. A miracle of love will take away your up your fears. Tender is the one that wipes away your tears. Eurythmics, Annie Lennox et David Stewart. The Miracle of Love sur Radio Antigone à 10h54. Voici les actus des médias. Radio Antigone. Les actus des médias. Je suis là. Excusez-moi, vous êtes toujours sur Radio Antigone. 10h54, les actus des médias donc. Et nous parlons du journal France 3, France Soir, le site qui a trouvé une nouvelle notoriété avec le Covid-19, mais qui se voit reprocher de diffuser de fausses informations et des thèses conspirationnistes, accusé donc depuis plusieurs mois de relayer ces thèses complotistes. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé vendredi avoir demandé un réexamen du statut de site d'information politique et générale dont bénéficie le média en ligne France Soir. C'est donc ce qu'a précisé la ministre de la Culture, qui a précisé que le terme est en principe en septembre 2022, mais qu'à fin de vérifier dès maintenant que ces conditions d'octroi sont bien toujours respectées, le certificat d'information politique et générale va être réexaminé. C'est ce qu'a précisé la ministre sur Twitter, sans plus de détails. Le statut dit IPG autorise la publication en ligne et certains avantages fiscaux également, ainsi que des aides potentielles du Fonds stratégique pour le développement de la presse. Ces critères d'attribution sont précisés dans un décret de 2009. L'annonce de la ministre de la Culture intervient donc alors que le site utilise la marque du défunt quotidien France Soir, qui n'est donc pas, ça n'est pas le même journal, attention, ne pas confondre, hein, contrairement à ce que j'ai pu dire également tout à l'heure, vous voyez, même moi je m'y perds. D'anciens journalistes du quotidien France Soir et le syndicat national de journalistes ont même lancé en janvier une pétition sur le site change.org, adressée à la ministre, dans laquelle ils jugent inadmissible que ce site puisse répandre en toute impunité de fausses informations et des thèses complotistes dangereuses pour la société. Le quotidien France Soir, le site France Soir, qui est donc dans le collimateur du gouvernement. Et j'ai passé beaucoup de temps, dis donc, sur cette information, mais ce n'est rien. Il est l'heure, eh bien, de parler de l'arrêt confirmé de la série française de TF1 Alice Nevers, le juge est une femme, qui va donc être arrêtée. Il n'y aura pas de nouvelle saison après celle diffusée il y a quelques mois, dont les deux derniers épisodes, sonnaient un petit peu comme épisode de fin. Voilà, on s'y attendait un peu à la vue de ces épisodes. Sachez que pour terminer en beauté cette série, vous aurez droit à un crossover entre Alice Nevers et Section de Recherche. C'est ce qu'a indiqué TF1 dans un communiqué officiel ce mardi. Voilà, tout simplement, Alice Nevers et commandant de la brigade de Section de Recherche enquêteront sur une série de meurtres sanglants entre Nice et Paris. Voilà donc, arrêt confirmé pour la série Alice Nevers, qui existe tout de même depuis 2002 et qui a bien vécu, mais dont les audiences étaient en train de décrocher depuis quelques années, depuis quelques saisons. Et l'actrice qui s'en va également vers de nouvelles aventures. Voilà pour ces actus du numérique. Il est 10h57, merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Antigone. Nous faisons un nouveau point sur toute l'actualité dans quelques instants à 11h, un point sur la météo également, et puis il y aura une archive pub et je vous annonce tout le programme juste après. Thérapie Taxi, Cri de loup. Ça sent le scandale fatal répété. J'entends les cris au loin des loups qui veulent s'évader. Je reste sourd et sourd au bruit de mes pensées. Et toi t'es où pour me sauver? Tu me laisses fou sur le pavé. J'te fous enchâssé, j'te casse le nez. D'une tasse tu te relèves, mais tu croises mes pieds. Et même si tu flanches, j'te pète les hanches. J'explose mes phalanges sur ta gueule.

30 organisations et entreprises du secteur maritime qui se mobilisent contre une crise humanitaire dont on ne parle pas beaucoup, des milliers de marins qui sont bloqués en mer depuis des mois à cause des restrictions liées au Covid-19. On en parle donc dans Aujourd'hui l'économie à 11h23. Dans les actus du numérique, juste après 11h30, nous parlerons de la SNCF qui va enfin regrouper toutes ses applications dans une seule application unique. Et dans les actus des médias, nous parlerons du lancement d'une nouvelle chaîne éphémère de la part du groupe France Télévisions, Culture Box, du nom du service culture de France Télévisions, qui sera lancé sur le canal 19 dès lundi. Ça arrive donc dans la case du week-end avec ce très beau programme pour les 55 prochaines minutes à passer ensemble en direct et de la très bonne musique. Je vous propose tout d'abord dans quelques instants Get Some, c'est Licky Lai. Écouterons également Zara Larsson. C'est un tout autre style, oui, mais ça sera le titre actuel, un titre tout récent, comme nous avons l'habitude d'écouter dans la case week-end exclusivement. Et il y aura un classique avec Francis Lalanne, on se retrouvera. Pense à moi. Je t'aime et tu me délivreras, tu briseras l'anathème. Que vous le savez, dans la case du week-end, nous écoutons des grands classiques que tout le monde a déjà entendus au moins une fois dans sa vie. Francis Lalanne arrive donc dans quelques instants. Il est 11h07, quasiment tout pile. Voici l'archive pub. L'archive pub. Et retour donc en 1987, aujourd'hui avec cette toute petite et toute courte publicité pour la marque de croquettes Friskies. Quoi qu'ils fassent, les chats reviennent toujours à leurs croquettes Friskies. Tous les chemins mènent à Friskies. Voilà, pour cette publicité très très rapide, on voit un chat qui se dirige vers sa gamelle de croquettes. Alors, Friskies, comme d'habitude, je vous présente un petit peu la marque. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'informations, parce que figurez-vous que Friskies n'a même pas de page Wikipédia française. Voilà, donc si vous êtes motivé et que vous voulez l'écrire, n'hésitez pas, allez-y. Friskies, c'est donc une marque qui appartient actuellement à Nestlé Purina Pet Care Company. Elle a été introduite par Carnation Company dans les années 1930 en tant que marque d'aliments pour chiens. Maintenant, elle ne vend que de la nourriture, des friandises humides et sèches pour chats, seulement pour les chats maintenant, et appartient donc à Nestlé, une gamme complète de produits pour les chats et les chiens tout de même encore. Oui, donc je lis des bêtises. Voilà. C'est très bien, dis donc Enzo, dit des bêtises, mais oui, 40 années d'expérience, donc, et leader en France et en Europe, voilà, tout simplement, une histoire un petit peu compliquée avec différents événements, des histoires avec des dessins animés, une marque dérivée en dessin animé, et notamment un chat, donc voilà, je vais essayer d'arrêter de m'emmêler dans cette présentation de la marque Friskies que je n'arriverai pas à faire puisque je l'ai mal préparé. Voilà, j'avoue tout, et oui, j'ai mal préparé cette présentation pour la marque Friskies. Voilà, pour cette archive pub et cette publicité donc très rapide et qui fonctionnerait quasiment encore aujourd'hui. Ouais, quoique, je suis pas sûr, elle est un peu trop rapide peut-être, elle est pas assez marquante pour les esprits. Il est 11h09, je vais éviter de m'enfoncer encore plus et je passe au Musicator 2000. Le Musicator 2000. Et je vais, comme à chaque fois, en direct, sur le site onlineradiobox.com, je choisis un pays au hasard. Attention, je clique sur tous les pays, je ferme la petite publicité. Allez, aujourd'hui, on va où? Je vous propose d'aller en Estonie. Voilà, je clique au hasard. on va sur Relax FM qui diffuse du rock, du pop, du jazz, de la musique facile à écouter, c'est en tout cas ce qui est écrit, easy listening, de la musique relaxante, des soundtracks, et puis qu'est-ce qu'elle diffuse d'autre cette musique ? Eh bien des musiques instrumentales ainsi que de la musique pour adultes contemporaines. Sachez qu'il y a plusieurs web radios, voilà, qui existent aussi pour Relax FM avec Relax Coffee, Relax Instrumental, voilà, pour chaque partie, pour chaque style de musique, il y a une Relax FM, donc, en Estonie, je crois, c'est ça que je vous ai dit, ou pas, je ne sais même plus ce que j'ai dit, oui, c'est ça, en Estonie, aujourd'hui. Eh bien, nous écoutons la musique actuellement diffusée sur cette radio, puisque c'est le principe du Musicator 2000, nous découvrons cette musique actuellement diffusée. Et actuellement, eh bien, il y a Niall Horan avec Too Much to Ask, que je vous propose donc d'écouter tout de suite sur Radio Antigone dans la case du week-end. C'est la radio à vif avec le Musicator 2000, Too Much to Ask, Niall Horan, diffusé actuellement sur Relax FM en Estonie. Only yesterday we were on the run. You smiled back at me and your face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone. And oh love, do you feel this rough? Why is it only you I'm thinking of? My shadows dance without you. For the first time, my heart is open. You walk right in tonight and tell me there are things that you regret. Cause if I'm being honest, I ain't over you yet. That's all I'm asking. Is it too much to ask? Is it too much to ask? Nous venons d'écouter Niall Horan avec Too Much to Ask. Ask sur Radio Antigone, c'était le Musicator 2000, une découverte musicale avec une musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Nous étions aujourd'hui en Estonie sur la radio Relax FM. Merci à Relax FM pour cette belle découverte, elle était pas mal cette musique, je trouve, c'est sympa. Voilà, c'est toujours bien le Musicator 2000, on découvre des musiques qui sont souvent sympathiques. Pas mal, voilà un artiste qui a fait une belle musique. Bref, Relax FM, donc si vous voulez aller écouter, disponible grâce à Internet, bien sûr, vous pouvez écouter toutes les radios maintenant, c'est magique Internet. Je divague, et du coup je perds du temps. Le programme télé arrive dans quelques instants sur Radio Antigone, et puis il y aura également Zara Larsson et Youn Tooks, Talk About Love dans quelques minutes, et puis nous parlerons économie après Licky Lee, Get Some. Sur Radio Antigone. Radio Antigone, le programme télé. Nous commençons bien sûr avec TF1 qui vous propose la finale inédite de Ninja Warrior à partir de 21h05. Sur France 2 en direct, Eurovision France, c'est vous qui décidez. Présenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, vous allez pouvoir découvrir les 12 titres en compétition pour représenter la France à l'Eurovision 2021, 65e édition qui aura lieu en mai prochain à Rotterdam. Et c'est le public qui aura un rôle essentiel à jouer dans la sélection, tout comme un jury de 10 personnalités. Sur France 3, rediffusion de Meurtre à Belle-Île. Sur Canal+, la 22e journée de Ligue 1 avec Marseille qui affronte Rennes à partir de 21h02 sur France 5, rediffusion de plusieurs numéros d'Échappée Belle. Sur M6, c'est la série inédite Stamp Down. Sur Arte, un opéra pour un empire, un magazine inédit diffusé à partir de 20h50. Sur C8, un numéro inédit de Animaux à adopter à partir de 21h05. Sur W9, plusieurs numéros inédits de la série TV La Petite Histoire de France. TMC rediffuse plusieurs épisodes de Columbo. Sur TFX, Chronique Criminelle. Sur NRJ 12, Modern Family. Sur la chaîne parlementaire, le canal 13 de la TNT, Like Virgin à 21h. Sur France 4, le téléfilm Scooby-Doo Aventure en Transylvanie, pardon. Oh là là, j'ai voulu la dire à l'anglaise. J'ai tellement l'habitude d'avoir des titres anglais à annoncer dans l'émission que du coup, je lis tout à l'anglaise. Sur C-Star, vous avez Ghost Adventure avec Edinburgh, The Capital of Ghost. Edinburgh, capitale des fantômes. Un numéro qui n'est pas inédit, c'est une rediffusion à 21h. Sur Gulli à 21h05, Les Aventures du Chapoté. Sur TF1, série film, rediffusion de plusieurs numéros de Joséphine Ange Gardien à partir de 21h. Sur la chaîne d'équipe du catch toute la soirée. Sur Sister, un numéro inédit de Rénovation Impossible suivi d'une rediffusion. Sur RMC Story à 21h05, Unité d'élite police en action, c'est inédit. Sur RMC Découverte, un autre programme inédit avec le magazine Wild Retour à la vie sauvage. Et je termine avec Chéri 25 qui vous propose encore un programme inédit avec la série TV Gemstone Les Conquérantes. Voilà pour votre programme télé. Bonne soirée, mais on est encore au tout début de la journée, bah oui. Le titre actuel. Nous parlons économie dans quelques instants avec Claire Fagers. Claire Fagers, restez avec nous. Voici Zara Larsson tout de suite. Patience is a virtue. I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Call me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. Told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too seriously. You can get close, or I won't bite. Baby, look into my eyes. I don't wanna talk about love. I don't got time to be lying like a rug. Hottest target, Kawasaki, I ride it. And the condo, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the switch, try and drown me, I might float away. Can you please tell me I'm in control today? Trigger for the day, icy like the Eiffel Tower, baby, yeah. Why you wanna talk about it all the time? Keep it up over there, you gon' be mine. I see the way you vibe it. Keep me hypnotized it. Diamonds lie like sirens. I don't wanna talk about love. I don't wanna talk about love. I don't wanna talk about love. I just wanna keep us right here in the moment. Why you gotta go get lost in emotion? I don't wanna talk about love. I don't wanna talk about love. aujourd'hui l'économie. Il est donc l'heure de parler économie sur Radio Antigone et l'épidémie de Covid-19 qui ralentit la logistique dans le transport maritime et cela fait remonter les prix du riz indien importé en masse par l'Afrique l'an dernier, Claire Fagès. Le Covid refait des siennes dans le commerce mondial du riz. L'épidémie ralentit les opérations habituelles dans les ports européens. Les portes-containers n'en finissent pas de rejoindre les ports asiatiques où ils sont normalement censés charger les sacs de riz. Cette pénurie de bateaux dans les ports indiens et les problèmes de transport intérieur en Inde liés à la recrudescence de l'épidémie rendent actuellement les nouvelles commandes de riz impossibles auprès de ce pays, témoigne un négociant. Le riz indien avait pourtant été plébiscité par les importateurs africains en 2020 pour son prix imbattable par rapport au riz thaïlandais et vietnamien qui fournissent habituellement l'Afrique. Il était quasiment 100 dollars moins cher à qualité identique. Mais depuis, la rareté des bateaux a non seulement fait flamber les prix du fret maritime, louer un container vaut 3 fois plus cher qu'en novembre, 150 dollars par tonne de riz, soit près de la moitié du prix de la cargaison de riz indien. Mais cela bloque aussi la sortie du riz indien et cela se répercute sur son prix qui a lui aussi augmenté en décembre et en janvier. Ce n'est pas un problème de disponibilité du riz indien, rassure l'économiste du CIRAD Patricio Mendes del Villar. L'Inde a amplement les quantités pour approvisionner le marché, renchérit le négociant Mamadou Sis. Mais cet embouteillage logistique donne un coup de frein aux commandes futures, même si le riz indien afflue en ce moment vers les ports africains. Autre conséquence, l'écart va se resserrer un peu avec les prix du riz concurrent thaïlandais qui pourrait reprendre des parts de marché en Afrique à la faveur d'une meilleure récolte principale cet hiver. Et dans ce contexte, 300 organisations et entreprises du secteur maritime se mobilisent contre une crise humanitaire oubliée. Des centaines de milliers de marins sont bloqués en mer depuis des mois à cause des restrictions liées au Covid-19, Claire. Les exemples se multiplient de marins indiens ou philippins bloqués depuis des mois au large de la Chine, du Koweït ou de la Nouvelle-Zélande, empêchés de débarquer par les autorités portuaires qui craignent la contagion du Covid-19. Ces équipages ne reçoivent pas non plus la relève attendue par avion. Il serait, selon la Chambre maritime internationale, 400 000 membres d'équipage bloqués en mer depuis des mois et pour beaucoup depuis plus de 11 mois, la limite maximale autorisée par la Convention du travail maritime de l'OIT. Les marins sont otages d'une situation qui leur interdit de débarquer de leur bateau. C'est une véritable crise humanitaire qui se joue en mer, estime le PDG de Ocean Network Express, compagnie de porte-containers qui apparaît parmi les 300 entreprises à signer ce mardi la déclaration de Neptune sur le bien-être des marins et le changement des équipages. Y apparaissent aussi la Fédération internationale des travailleurs des transports, les compagnies maritimes AP Moller, Maersk et CMA CGM, les compagnies pétrolières et minières anglo-américaines Vale, Rio Tinto, Shell et les géants du négoce et de l'agroalimentaire Trafigura, Cargill, Unilever ou Costco. Pour toutes ces entreprises, le transport maritime est indispensable puisqu'il pèse 90% du commerce mondial. La pétition plaide pour 4 actions urgentes, que les marins qui permettent au monde entier de continuer à recevoir produits alimentaires et sanitaires soient enfin considérés comme des travailleurs essentiels par les États et qu'ils aient à ce titre une priorité d'accès aux vaccins contre le Covid-19, que des protocoles sanitaires spécifiques aux marins soient établis et surtout appliqués, que les affréteurs et les transporteurs maritimes s'engagent à collaborer pour faciliter le changement des équipages, qu'à cette fin, des connexions aériennes soient assurées pour les marins entre les principales places portuaires. Nous avons tous le devoir de prendre soin des marins, estime le chef des opérations maritimes chez Vitol. Leur bien-être est essentiel à la sécurité et à l'efficacité des opérations. Merci beaucoup Claire Fagès pour cette rubrique économique et pour toutes ces informations. On espère que la situation s'améliorera. Dans une minute, un nouveau point sur l'info ainsi que sur la météo. Tout de suite, voici Interpol, My Desire. de l'album El Pintor de 2014, c'était Interpol avec My Desire à l'instant sur la radio Avif, Radio Antigone et la case du week-end. Radio Antigone. Déjà plus que 30 minutes dans cette case du week-end, et oui, puisqu'il est 11h31. Radio Antigone. La radio Avif. Un nouveau point sur l'actualité de ce samedi. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. 20 départements sont en vigilance orange pour des risques de crues, d'inondations ou de vagues à submersion. L'alerte pour avalanche en revanche est élevée dans les Alpes, les départements de Haute-Savoie, de Savoie et de l'Isère. Pas de confinement, mais le maintien du couvre-feu généralisé à 18h, la fermeture des frontières aux pays extérieurs à l'UE, fermeture également des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² et un renforcement des contrôles ont été annoncés hier soir par Jean Castex à l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Pour le Premier ministre, nous devons nous donner une chance d'éviter un troisième confinement. L'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert à l'utilisation d'un troisième vaccin contre la Covid-19, celui d'AstraZeneca Oxford. Elle recommande son utilisation auprès de tous les adultes au-delà de 18 ans. Parallèlement, les experts de l'OMS chargés d'enquêter sur les origines de la pandémie du Covid-19 ont visité ce matin l'hôpital de la ville de Wuhan, berceau présumé de l'épidémie dans le centre de la Chine. Les médecins y avaient réalisé des prélèvements sur des patients souffrant d'une pneumonie non identifiée. C'était fin 2019. Retour en France, l'enquête sur le double meurtre perpétré dans la Drôme et en Ardèche a fait le lien avec un autre meurtre et une agression survenue mardi contre une DRH dans le Haut-Rhin. La garde à vue du suspect interpellé jeudi matin a donc été prolongée. 2550 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine en 2020. C'est le niveau le plus bas observé depuis l'après-guerre, sous l'effet de la réduction de la circulation causée par la crise sanitaire, selon la sécurité routière. Nouvelle journée de manifestation contre la loi sécurité globale. Ce sera le cas à Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Montpellier, Toulon, Nice, mais aussi Dijon, La Rochelle, Quimper, Abbeville, Tarbes ou Le Havre. L'Olympique lyonnais retrouve provisoirement la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 2-1 sur Bordeaux hier soir à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Deux rencontres à suivre ce soir, Montpellier-Lens à 17h, suivi de OM Stade Rennais à 21h. Merci beaucoup à la rédaction. Plus d'informations sportives dans 15 minutes avec les actus du sport. La météo. La météo. Qui ne démarre pas? La météo, peut-être. La météo de ce samedi 30 janvier est de nouvelles pluies balaient la France d'ouest en est avec de la neige en montagne au-dessus de 1400 mètres. L'extrême sud-est est épargné avec un soleil voilé. Les températures, les minimales, 5 degrés à Charleville-Mézières et à Strasbourg, 7 degrés à Troyes, 8 degrés à Limoges et à Paris, 10 degrés à Rennes, 11 degrés à Bordeaux et à Nice. Dans l'après-midi, la dépression baptisée Justine arrivera l'après-midi midi dans le golfe de Gascogne. Le vent va se renforcer sur l'ouest et pourra atteindre le seuil de la tempête sur l'Aquitaine. Les pluies sont généralisées et les maxis sont comprises entre 2 et 15 degrés. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Merci d'être à l'écoute de Radio Antigone pour cette case du week-end qui se poursuit pendant encore 25 minutes. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi avec dans quelques instants les actus du numérique et la SNCF qui va enfin lancer une application unique pour tous ses services. Les actus des médias également avec le lancement par France Télévisions d'une nouvelle chaîne de télévision éphémère. Il s'agit de Culture Box. On soutient tous les acteurs de la culture qui sont en difficulté à cause de l'épidémie de Covid-19. Et nous allons bien sûr écouter de la musique avec le dernier Zoé West, Girls Like Us. Oh là là. Également un classique, Francis Lalanne. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme ça arrive juste avant midi, tout comme les actus du sport dans une dizaine de minutes à 11h45. Pour l'heure, voici The National. N1 Ghost tout de suite. Say you stay home, going with the flu. Find out from friends that wasn't true. Go out at night with your headphones on again. Walk through the Manhattan valleys of the dead. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody else. I don't want anybody else. Said I came close. Has anyone come to live underwater for more than a month? Said it was not inside my heart. It was. It said it should tear a kid apart. National, N1 Ghost sur Radio Antigone. Voici les actus du numérique. Radio Antigone, les actus du numérique. Et si vous avez l'habitude de prendre le train, vous le savez peut-être, du côté des applications mobiles SNCF, bah c'est un peu le bazar. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une bonne dizaine d'applications. Une pour prendre les billets, une autre pour avoir les informations, et une autre pour autre chose, ainsi qu'une autre pour autre chose, et une autre pour autre chose. Le 20 décembre dernier, des représentants de la SNCF avaient déclaré cela au micro de BFM TV. Si l'innovation digitale, et je peux vous dire que l'année prochaine, et c'est une, en partie la réponse à votre question, il y aura une appli unique, il y a 6 applications pour les voyageurs. Ils s'y perdent. Là, je suis bien d'accord. Clairement, avec vous. Ouais. Ben, je vous promets. Ben oui, bien sûr. À la fin de l'année prochaine, il y en aura une seule application pour rendre la vie plus simple. Alors, ça sera laquelle? Toutes celles qu'on a. Une appli, il y aura le nom SNCF dedans. Très bien. Voilà. C'était Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, en décembre dernier donc sur BFM TV. Eh bien, la promesse a été réitérée il y a quelques jours par Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, qui s'exprimait auprès de journalistes. Le déploiement donc d'une application unique a été confirmé et se fera après d'autres changements, comme l'arrivée prévue cet été d'une nouvelle grille tarifaire que la SNCF veut, je cite, plus simple, plus accessible et plus attractive. Alors c'est vrai qu'actuellement, les voyageurs sont confrontés à pas moins de 8 applications, l'assistant SNCF, oui SNCF, Ouigo, TGV Inouï Pro, et puis il y en a d'autres un peu moins connus, avec Hangar, Andilien, Junior et compagnie, ou encore Alert 3117 qui propose aux usagers des services et des aides complémentaires. Donc actuellement, c'est un petit peu le bazar. C'est une constellation d'app, comme disent certains, qui est difficile à gérer. Et bien, enfin, une application unique, c'est donc ce qui a été confirmé et ça devrait arriver dans les prochains mois, en tout cas peut-être avant la fin de l'année, on l'espère. Reste maintenant à savoir comment l'entreprise s'y prendra pour regrouper autant de services dans une seule app qui sera économique, on l'espère, et lisible. C'est un petit peu compliqué, il ne sera pas trop lourd pour votre téléphone non plus, on croise les doigts. Sachez qu'une des raisons pour laquelle ce n'était pas le cas actuellement, c'est que chacun gère un petit peu dans son coin, puisque les services de la SNCF sont séparés, donc chaque service gère de sa façon les applications, et là donc pour une fois ils vont essayer de se regrouper avec cette application unique dont beaucoup rêvaient. Voilà, c'est la bonne nouvelle de 2021. Bon, j'exagère un peu, ouais, sûrement j'exagère beaucoup même, je crois. Le titre actuel. Nous avions découvert sa voix avec son titre Lost Control. REL revient avec son nouveau titre sorti il y a quelques jours, Girls Like Us. Voici Zoé West. Stars, yeah, stuck here in these waters. So sick to my stomach. Is anybody there? Red lights in the darkness. Everyone's so heartless. Does anybody care? It's so hard to explain with your heart in the cage. Only whisper, but you won't shout. Cause the shock in your way, too much pressure to take. Every part of you wants to cry out. It's hard for girls like us. We don't know who we trust. Not even the ones we love. Cause they don't know. It's hard for girls like us. We don't know who we trust. Not even the ones we love. Cause they don't know. Try to ignore this pain. Cause we don't wanna get hurt again. Left alone out in the rain. They don't know. It's hard for us. For girls like us. Girls like us. They don't. Zoé West, Girls Like Us, un titre tout récent, sorti il y a quelques jours, en 2021. C'était donc le tout dernier titre de Zoé West. Les actus du sport à présent, et on commence avec la Ligue 1, la 22e journée. Et Lyon, qui hier a battu Bordeaux 2-1. Aujourd'hui, Montpellier affronte Lens à 17h. À 21h, Marseille jouera contre Rennes. Il y avait du handball hier avec malheureusement une défaite pour la France qui a perdu contre les Suédois hier en demi-finale du mondial de handball 32-26. Et elle affrontera l'Espagne dimanche, l'équipe de France, pour la médaille de bronze. On passe du côté du tennis, puisque alors que la pandémie de Covid-19 impose toujours le huis clos dans de nombreux événements sportifs, de 25 000 à 30 000 spectateurs pourront assister quotidiennement à l'Open d'Australie. C'est ce qu'ont indiqué les organisateurs aujourd'hui. Il s'agit d'un chiffre très élevé pour la période. On passe du côté du ski alpin maintenant, puisqu'il y a du ski alpin ce week-end. Et oui, ça paraît logique si on passe du côté du ski alpin. Nous sommes du côté de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne pour les femmes, avec les deux premières épreuves du week-end qui ont été annulées hier. Mais il y a aujourd'hui le Super G qui est en cours, voilà. Pour l'instant, leader, c'est Lara Gutt-Berami, la Suisse, suivie de Kasia Wikoff-Li et de... Pour terminer, d'Esther Ladeca, la première française, c'est Dessa Wurley qui est 9e provisoire avec un abandon. Pour l'instant, il s'agit de l'italienne Marta Bassino. La course est toujours en cours. Voilà, voilà. Du côté des hommes, eh bien, on est en France aujourd'hui. Et nous sommes à Chamonix alors que la station est fermée. Elle ouvre exceptionnellement pour cette Coupe du Monde de ski alpin avec la deuxième manche du slalom qui commencera tout à l'heure à 12h30. Et à l'issue de la première manche, c'est Jean-Baptiste Grange qui a terminé premier. C'est le Suisse Ramon Zenhauserne qui a terminé premier de cette première manche du slalom, suivi d'Alexis. Non, ça c'est la startiste. Mais qu'est-ce que je dis? J'ai pas du tout les bonnes choses, moi. Mais c'est catastrophique. Non? Oui. Que dis-je? Je ne sais pas ce que je dis. Oui, non, c'est bien Jean-Baptiste Grange qui est premier à l'issue de la Mais non, mais je dis, je ne sais pas, je suis perdu. Non, c'est donc bien le Suisse. Ok, non, c'est pas là. Non, je ne sais pas. Eh bien voilà, super, je suis perdu. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Qu'est-ce que je dis? Mais c'est pas possible. Alors, voilà, j'ai les bons résultats. Oh là là, mais c'est toujours comme ça, les actus du sport. Donc, nous sommes à Chamonix avec le slalom, voilà. Le slalom homme. Le premier, c'est l'Autrichien Marco Schwarz qui devance Ramon Zenhausen de 2/100, suivi de Clément Noël, 3e provisoirement à l'issue de la première manche à 3/100. 4e, le Norvégien Sébastien Fosse-Solevag. Le 2e français, il s'agit d'Alexis Pinturo, qui est 8e provisoire à l'issue donc de la première manche. Victor Mufajandé est quant à lui 11e. Et un dernier français, peut-être qui est un petit peu plus loin. Oui, Jean-Baptiste Grange, qui n'est pas premier, qui s'est lancé en premier, mais qui est 30e à l'issue de la première manche. Quelques abandons, d'ailleurs. Voilà pour ces actus du sport qui reviennent demain aux alentours de 11h45 et ceux qui seront moins... compliqués. Voilà, je me suis totalement perdu pour ce classement de la Coupe du Monde de ski alpin et du slalom qui se déroule aujourd'hui donc à Chamonix. Le classique de la case du week-end. Dans un instant, nous parlons médias après Francis Lalanne. On se retrouvera. Promets-moi si tu me survis d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes. Se retrouve. N'oublie pas ce que je t'ai dit. L'amour est plus fort que tout. Ni l'enfer, ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient. On se retrouvera. On se retrouvera. Francis Lalanne, on se retrouvera sur Radio Antigone. Mais oui, on se retrouvera la semaine prochaine, mais non, même demain sur Radio Antigone pour une nouvelle case du week-end. Mais celle-là n'est pas terminée puisqu'il reste encore 8 minutes à passer ensemble. Radio Antigone, la case des médias. Et ce matin, on parle du lancement d'une nouvelle chaîne de télévision, d'une chaîne de télévision éphémère qui sera lancée sur le canal 19 de la TNT, anciennement la défunte France O. Et c'est Culture Box qui arrivera à partir du 1er février, donc dès lundi sur le canal 19 de la TNT, toujours France Télévisions, qui a toujours le canal, et eh bien qui souhaite, en cette période compliquée pour le monde de la culture, lancer donc une chaîne éphémère 100% dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Vous pourrez donc retrouver en accès direct et gratuit la culture et vos artistes dans toute leur diversité. La chaîne proposera de nombreux concerts, événements, spectacles de théâtre et de danse et des festivals également de ces dernières années. Et puis avec de nombreuses captations à Paris et au cœur des régions, même en Outre-mer, ou encore des visites de musées ou d'exposition, Culture Box deviendra la plus grande scène de France, selon eux, en programmant chaque semaine un ou plusieurs spectacles inédits dans tous les genres et en allant à la rencontre des artistes, des créateurs ou de tous ceux qui créent ou portent la culture. Alors, pour information technique, la chaîne sera accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur le canal 19 de la TNT, sur la plateforme France.tv bien sûr, et progressivement chez l'ensemble des opérateurs. Coup d'envoi de Culture Box donc le lundi 1er février à 20h35 avec une émission présentée par Daphné Burki et Raphaël Yem. Il s'agit de Culture Box, la nouvelle scène française. Une émission 100% inédite et 100% musique en direct du théâtre Mogador à Paris. Vous allez retrouver l'émotion et l'ambiance du live avec des artistes et des jeunes talents, surtout de la scène actuelle. Comme Isolt, Hervé, Suzanne, Terre Noire. L'émission sera suivie de l'émission Basique, le concert avec les révélations des victoires de la musique 2021. Les deux présentateurs de l'émission seront en duplex dans le journal de 20h de France 2 quelques minutes avant le lancement de la chaîne. Une très belle émission. Et sachez qu'un rendez-vous quotidien sera programmé sur cette chaîne avec Culture Box l'émission. Voilà, un nom très simple, mais qui dit tout. Un rendez-vous quotidien lancé dès le mardi 2 février à 19h15. Deux numéros inédits, présentés toujours par Daphné Burki et Raphaël Yem. Chaque soir, la chaîne se transforme en scène ouverte sur laquelle tous les artistes vont se réunir et vont se retrouver. L'ambition de l'émission est de faire découvrir de jeunes créateurs, mais aussi de retrouver des artistes confirmés qui vont se dévoiler sous un jour inédit. Une production de France TV Studio, une émission d'une durée de 52 minutes et qui sera du lundi au samedi à 20h10, sauf donc pour la première. Daphné Burki accueillera chaque soir 5 invités et des interviews inédites et des surprises en plein temps seront possibles. Voilà. Du côté du décor, eh bien, il sera composé de deux espaces dans un esprit rooftop. Un espace avec un décor virtuel qui va permettre de projeter bien sûr des images, de se plonger dans une expérience immersive, lieu de culture, spectacle, ville ou région, c'est ce que nous dit le dossier presse en tout cas. Et puis un espace de scène également pour les lives musicaux et la danse. L'offre de programme eh bien, sera multigenre, hein, avec des documentaires, de la musique, des spectacles vivants avec chaque soir en première partie de soirée la promesse d'une mise en avant de tous les arts, avec tout ce dont je vous ai parlé avant. Et en journée, eh bien, la réexposition de nombreux programmes culturels produits pour France Télévisions et qui sont diffusés sur les autres chaînes, avec la Grande Librairie, le Grand Échiquier, le Concert de Paris, ou même des rediffusions de 6 à la maison avec voilà, des émissions diffusées sur France 2 pendant le couvre-feu. Et en fin d'après-midi, eh bien, vous aurez priorité à la nouvelle scène avec à 17h Vinyle, une collection qui sera portée par Juan Massenia en partenariat avec la médiathèque musicale de Paris. À 17h30, eh bien, l'émission musicale basique Les Sessions. Et puis à 18h, vous aurez rendez-vous avec le magazine Moulwalk, issu de la plateforme numérique France TV Slash. Voilà, puis il vous permettra de découvrir des artistes. Voilà, donc une chaîne lancée dès le lundi 1er février à 20h35 avec une émission spéciale pour ce jour. Du côté de ce qui est des gros programmes en prime time pour cette semaine, mardi, l'éco-régie d'Orange avec Carmina Burana, suivi de la nuit magique, la grande soirée au Corégie d'Orange. En prime time à 21h05, mercredi, Mika à l'Opéra Royal du Château de Versailles, en avant-première de sa diffusion prévue le 5 février sur France 5. Juste après, eh bien, vous pourrez écouter Catherine Ringer qui chantera les Rita Mitsuko à Willow Green. Jeudi, One Shot, c'est la dernière création du chorégraphe Ousmane Sy, décédé en décembre dernier. La création devait inaugurer la 29e édition du Surens Cité Danse, festival de référence des danses urbaines qui était prévu du 8 au 31 janvier. C'est donc jeudi à 21h05. Et vendredi, Autour d'eux, c'est un écrin bienveillant et expérimental qui va permettre de mettre en lumière et développer des talents. C'est un magazine produit par Ardenne et West et Mélo Coton. 30 minutes par épisode et ça sera donc les vendredis, dès ce vendredi. Samedi, eh bien, il y aura du ballet avec le Ballet Royal de la Nuit au Théâtre de Caen. Et dimanche 7 février, vous pourrez passer la nuit au musée du Quai Branly avec Carole Bouquet. Et ensuite, vous irez avec François Berléand du côté du Centre Pompidou. L'habillage de la chaîne a été réalisé par l'agence Gédéon. Voilà. Tout simplement, voilà ce que je peux vous dire. Culture Box, c'est donc dès lundi sur le canal 19 de la TNT. Radio Antigone. 10h, midi, la case du week-end. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Radio Antigone pour cette case du week-end qui, j'espère, vous a plu. J'espère qu'elle a été sympathique à écouter. Voilà, voilà, tout simplement. Oui, c'est la fin de l'émission, donc je fatigue un peu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci d'avoir été fidèle à la case du week-end. J'ai envie de regarder le nombre d'auditeurs que nous avions pour cette émission. Merci aux deux auditeurs qui écoutent actuellement l'émission. On a fait un petit pic à 3. La case du week-end qui revient demain en direct, bien sûr, dès 10h avec le radio-journal et l'information toutes les 30 minutes et toutes vos chroniques. Je vous laisse avec le radio-journal de nos partenaires RFI, le Radio Antigone Midi. Midi, une heure d'information tout de suite. Merci d'avoir suivi cette émission. Salut! Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.